بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Donc on va continuer, mes chers frères et sœurs en islam, avec les héritiers des prophètes et la connaissance en islam. Et on est toujours avec le quatrième chapitre qui traite de l'acquisition de l'ilm, l'acquisition de la science. Ça veut dire c'est quoi la bonne méthodologie pour apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un point qui est très important ici aussi que les ulama ils donnent comme conseil, c'est d'apprendre de personnes qui sont qualifiées et de ne pas se, ou bien de ne pas dépendre pleinement des livres, de ne pas pleinement dépendre des livres en tant que tel. C'est parce que la connaissance vient principalement des ulama, voyez-vous. Ça veut dire, est-ce que tu peux devenir un alim, un savant, quelqu'un qui comprend bien sa religion en te basant seulement sur la lecture de livres? Non. C'est pour ça que l'imam Shatibi, rahimahullah ta'ala, il dit « قَالُوا إِنَّ الْعِلْمَ كَانَ فِي صُدُورِ الرِّجَالِ ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى الْكُتُبِ وَصَارَتْ مَفَاتِحُهُ بِأَيْدِ الرِّجَالِ » Ils ont dit « La science se trouvait dans le cœur, dans les cœurs des savants. » On a parlé de ça quand on a parlé de l'histoire du corps, voyez-vous. La science, lors du temps du prophète, alayhi salatu wasalam, était principalement dans les cœurs des ulama. Après ça, elle est passée du cœur des savants, ça veut dire de leur mémoire, comme on l'appelle de nos jours, ça veut dire de leur connaissance. Elle est passée aux livres. Mais attention, les clés de la science sont restées dans le cœur des ulama, voyez-vous. Ça veut dire, oui, les livres contiennent la science, mais tu ne pourras jamais ouvrir les livres sans passer par des savants, par des personnes qui ont le savoir. Ça veut dire des personnes de connaissance qui vont t'indiquer c'est quoi le chemin vers ces livres. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est parce que parfois, le savant, il va te dire, ah, tel livre, non, c'est pas bon pour toi, parce que c'est pas ton niveau. Vois-tu, c'est parce qu'avant de lire tel livre, tu dois lire un autre livre. Alors que si tu vas lire ce livre directement, tu vas mal le comprendre, mal le prendre. C'est parce qu'en passant, ce même auteur, l'imam tel et tel, qui a vécu depuis 7 siècles ou 8 siècles, il a écrit ce livre, mais par la suite, il a changé ses idées. Il a écrit un autre livre dans lequel il a répondu au premier livre. Et il a dit que le premier livre ne le prenait plus en considération, etc., etc. Autre chose aussi, c'est que le alim, il te donne les clés. Ça veut dire al-mustalahat. Et c'est ça ce qu'on va faire. C'est comme je vous ai dit cette année, inshallah ta'ala, avec les différents séminaires qu'on va avoir, inshallah ta'ala, quand on va prendre un cours comme les sciences du hadith, n'est-ce pas? Les sciences du hadith, c'est une science qui a une terminologie spécifique. Tu vas entendre des mots. On va apprendre qu'est-ce que ça veut dire hadith qui est hasan, qui est mursal, qui est maqtou', qui est marfou', qui est munqati', n'est-ce pas? Qui est mu'dal, etc., etc. Toi, si tu vas directement ouvrir un livre de tafsir qui est avancé, tu commences à lire comme ça, tu ne vas rien comprendre. Il va te dire « Hadithun mawdou' an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, utlubu l'ilma walau fi s-sin. » Il va te dire un hadith qui est mawdou' qui dit « Cherchez la connaissance même si c'est en Chine. » Il va dire « Hadith mawdou' ». Waouh, mawdou' c'est quoi mawdou'? Je reviens au dictionnaire. Mawdou' c'est dans la langue arabe de nos jours, mawdou' c'est un sujet. Ça veut dire, je ne sais pas moi, hadith qui parle de ce sujet, ok. Tu vas demander sur le minbar. Hadith mawdou' du prophète, alayhi salatu wasalam. Alors que mawdou', ça veut dire, c'est le pire des hadiths. Ça veut dire, c'est un hadith qui est fabriqué, voyez-vous. Donc, si tu vas accéder directement au livre, avant de passer par les savants, tu ne vas pas avoir ces clés. Tu vas passer par des choses, tu ne vas pas les comprendre, tu vas mal les comprendre, etc., etc. Non. موسى ابن يسار لندي علماء الى دي لا تأخذوا العلم إلا من أفواه الرجال. Ne prenez jamais la science à part des bouches, des langues, des علماء directement. Bien sûr, quand on parle ici des livres, ça ne veut pas dire pour réduire l'importance des livres. C'est parce que les livres sont une chose qui est importante. C'est une ressource, surtout de nos jours. De nos jours, c'est inévitable. Voyez-vous, c'est parce que de nos jours, ce n'est pas comme dans les temps de nos pieux ancêtres. De nos jours, tu vas rarement trouver un savant qui est disponible comme ça, 7 heures par jour. Parce que dans le temps, c'est comme ça qu'il faisait. Un savant, c'était une école. Ça veut dire, tu vas aller chez un savant, tu vis avec lui 5 ans, proche de lui. 5 ans à chaque jour, tu passes 4-5 heures avec lui. Voyez-vous, c'est pour ça qu'il va te dire « Cheikhouhou Foulen ». Ça veut dire que tu vas prendre tout ce qu'il a, tu vas l'absorber comme ça de son cœur, tu vas rien laisser, tu prends tout. De nos jours, le monde a changé. Le monde, c'est un monde qui est complexe, etc. C'est rare de trouver un alim qui est disponible de la sorte, pour ne pas dire presque impossible. C'est pour ça que de nos jours, même les savants eux-mêmes, ils doivent passer par les livres. Mais les livres, c'est à une étape qui est avancée. Voyez-vous, tu vas apprendre d'un alim. Après ça, tu vas dire, ya cher, je veux m'approfondir plus sur ce sujet qu'on vient de traiter. Qu'est-ce que tu me proposes? Il va te dire, va lire tel et tel et tel et tel livre. Ok, maintenant tu es prêt pour pouvoir avancer plus rapidement, inshallah ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'importance de lire. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. La lecture, c'est dans les livres. Noun wal qalami wa ma yasturun. Le crayon, la plume, l'écriture. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la vertu de ça. C'est juste que comme on l'a mentionné, on doit passer par les ulama et par la suite on va être en quelque sorte qualifié pour avancer encore plus. Et regardez si on a un hadith qui est dans le Sahih al-Bukhari. Abdullah ibn Amr, il a déjà entendu le prophète alayhi salatu wasalam dire: Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an, walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama. Il a dit: écoutez, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas élever la science de cette terre en tant que science elle-même. Ce qu'il va faire, subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il va élever les savants. Ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, le plus qu'on se rapproche de la fin des temps, le plus que, comme on l'a mentionné, la science, la connaissance va exister de moins en moins. Qu'est-ce qu'il va faire en sorte? Est-ce que c'est les livres qui vont disparaître? Non. Il a dit, alayhi salatu wasalam, c'est les savants qui vont commencer à mourir, l'un après l'autre. Il va y avoir de moins en moins de savant. حتى إذا لم يبقى عالم أو حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Il a dit عليه الصلاة والسلام, jusqu'au jour où il n'y aura plus de savants ou presque plus de savants, et là les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder à droite et à gauche, ils vont dire, toi tu vas devenir notre cheikh. On va te mettre sur une chaise comme ça et tu vas devenir celui qui répond à nos questions. Et ces gens-là qui ne sont pas qualifiés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont causer des dégâts plus que de bien. Ils vont égarer les autres et ils vont s'égarer eux-mêmes. C'est parce qu'ils parlent en quelque sorte en manque de connaissances. C'est comme, on le répète encore une fois, est-ce que ça veut dire que les livres ne vont pas exister? Non, les livres existent. Et de nos jours, les livres existent. De nos jours, tu peux avoir, regardez ça, de nos jours, en une seule nuit, en 8 heures, tu peux passer une seule nuit ou bien un jour comme ça, 8 heures, sur Internet, tu peux te construire une bibliothèque, une librairie sur ton ordinateur que même l'imam Ahmed rahimahullah ne rêvait pas d'avoir chez lui. Voyez-vous? En un seul clic comme ça, en 3 clics, tu télécharges 50 volumes. Tac, tac, tac. Et en PDF en plus, ça veut dire que c'est la même chose. Là, il y a des gens qui ont filmé copie par copie, page par page, tu télécharges. Est-ce que ça va faire de toi un savant? Non. Peut-être que quelqu'un va te demander une question simple, tu vas dire, je ne sais pas. C'est probablement quelque part dans ces livres, mais je ne sais pas. Voyez-vous, donc, al-ilm, c'est chez les ulama, c'est pas à l'intérieur des livres. Les livres, c'est pour une personne qui est qualifiée, elle va prendre encore plus et plus et plus de ilm de l'intérieur. Et quand on parle aussi des savants, choisir des personnes qui sont qualifiées, ça veut dire c'est important aussi de, ou bien c'est important ici de ne pas passer par n'importe quelle personne qui se prétend être un savant, un alim. Et c'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wasalam, écoutez ce hadith, il est très important. Dans le hadith authentique, il a dit, alayhi salatu wasalam, Inna min ashrati sa'ati an yultamasa al-ilmu inda al-asagir. Il a dit, alayhi salatu wasalam, l'un des signes de la fin des temps, c'est quoi? C'est quand les gens vont commencer à chercher la science auprès de al-asagir. Al-asagir, ça, on peut traduire ça comme ça, mot par mot, ça veut dire les petits. Les petits quoi? Est-ce que c'est les petits dans leur jeune âge? Pas nécessairement. Écoutez ce que l'imam Ibn al-Mubarak, il a dit, al-asagiru min ahli al-bida'i. Ça veut dire c'est les gens des sectes, les gens des différentes innovations. Voyez-vous, c'est les gens que le prophète alayhi salatu wasalam a décrit. C'est quand il y aura presque plus de savants, il y a des personnes, ils vont dire, ah, il y a des chaises qui sont vides, il y a des fauteuils qui sont vides, n'est-ce pas? Il y avait beaucoup de savants, ils n'existent plus de nos jours. Alors moi, je vais aller m'asseoir, je vais mettre un turban sur ma tête et je vais dire, je suis le cheikh Foulane. Et les gens sont prêts à écouter n'importe quelle personne de nos jours, malheureusement. Tout ce qu'ils vont voir, c'est celui qui sait comment parler et celui qui sait comment s'habiller. Et s'il a de l'argent, etc., c'est encore mieux. Il va te dire, cher Foulan, Foulan, le grand cher, le grand savant, et si tu lui demandes une question facile de te ramener un hadith du prophète, alayhi salatu wasalam, il ne sait pas comment le faire, malheureusement. Et c'est pour ça, Imam Ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala, on lui a demandé, man al-asagir, c'est qui ces petits qui sont décrits dans le hadith du prophète, alayhi salatu wasalam, qui sont mentionnés? Qu'est-ce qu'il a dit, l'imam Ibn al-Mubarak, rahimahullah? Il a dit, « Alladina yaquluna bi ra'ihim. » C'est ceux qui inventent de leur propre opinion. Ils inventent leur propre compréhension de la religion. Il va dire, « Moi, je n'ai pas beaucoup de connaissances, je dois inventer quelque chose. » Je dois inventer quelque chose. Après ça, il a dit, l'imam Ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala, « Fa'amma sagirun an kabirin falaysa bi sagir. » Il a dit, pour ce qui est d'un petit, ça veut dire d'un jeune, qui te rapporte les mots d'un grand, ça veut dire de l'un des ancêtres du passé, ce n'est pas un petit. C'est quelqu'un de grand, c'est parce que lui, il ne fait que le travail d'un journaliste en quelque sorte. Tout ce qu'il te fait, c'est rapporter. Il te passe le message, voyez-vous. C'est comme on a dit tout à l'heure. Je répète encore une fois. Il y a une différence entre celui qui initie la connaissance, qui va initier l'ilm, qui va se prétendre que lui, c'est un alim, n'est-ce pas? Il va te dire, ah, les ulama, ils ont mentionné deux opinions. Moi, je vais mentionner une troisième opinion. Ça, c'est quelqu'un qui se déclare comme étant un savant. Alors, prouve-nous, toi, tu es qui? Prouve-nous que tu es un savant, que tu es au statut des autres ulama. Et ça, c'est différent de quelqu'un qui veut partager avec toi. Ce que les autres savants, ils ont laissé, ils veulent te le passer. Voyez-vous, donc, une telle personne, ce n'est pas quelqu'un, en quelque sorte, qui est à critiquer ou bien à ignorer. Il y avait une question? Oui. Oui, et ce n'est pas juste aujourd'hui, même lors du temps du passé. On a parlé de ça la semaine dernière, on avait dit que dans les livres de biographie de l'ulama, vous pouvez trouver les biographies de plusieurs femmes qui étaient des savantes, des alimates. Oui, bien sûr, s'il y a une femme qui est qualifiée, qui peut vous répondre et qui a elle-même étudié chez les savants, ou bien qui est qualifiée pour vous rapporter les mots des savants, il n'y a pas de problème à se fier auprès de elle. Non. Non. وهذا وجه bon, on va supprimer ici quelque chose qu'on devait voir parce qu'on n'a pas le temps. Regardez ici. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc ici, comme on l'a mentionné, quand on parle des petites personnes, ça veut dire c'est les personnes qui n'ont pas de la connaissance et qui inventent la réponse. Ce n'est pas en termes d'âge. Mais quand on a un savant qui est âgé, un savant qui est plus jeune, et qui sont dans le même niveau de la connaissance, on devrait se rapporter à qui? À la personne qui est âgée, voyez-vous? Si on a une alternative, il y a une différence entre eux. Non, non, non, on a seulement quelqu'un qui est jeune, qui est un savant, qui a de la connaissance, on n'a pas le choix. On prend de lui. On ne va pas lui dire, ah, le prophète, alayhi salatu wasalam, il a dit, an yultamas al-ilmu 'inda al-asagir, c'est parce que Ibn al-Mubarak, il t'a dit, ça ne parle pas de l'âge en tant que tel. Mais si tu as une alternative entre un jeune et entre quelqu'un de beaucoup plus âgé, tu vas aller chez le savant qui est âgé. C'est parce qu'il est plus expérimenté dans la vie, n'est-ce pas? Il est plus posé, plus calme, plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala en général, etc., etc., etc. Et c'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wasalam, il a dit dans le hadith authentique, « Al-barakatu ma'a akabirikum. » La bénédiction se trouve avec ceux qui sont les plus âgés d'entre vous, voyez-vous, et ça c'est une règle générale. Quand tu as deux personnes qui sont égales en termes de connaissances, d'expérience, etc., mais qu'il y a un qui est beaucoup plus âgé que l'autre, on va dire, c'est lui qu'on va prendre comme référence. On va tous le suivre, lui, c'est parce qu'il y a plus de baraka dans un tel cas, comme le prophète, alayhi salatu wasalam, il nous a dit. Pourquoi? Regardons c'est quoi la logique qui est derrière. Umar ibn al-Khattab, il nous l'explique, il a dit... قَدْ عَلِمْتُ مَتَى صَلَاحُ النَّاسِ وَمَتَى فَسَادُهُ. Il a dit, je vais vous dire, c'est quand que les gens vont être bien, c'est quand que les gens vont être corrompus. C'est quand que les choses vont bien, c'est quand que les choses vont mal. إِذَا جَاءَ الْفِقْهُ مِنْ قِبَلِ الصَّغِيرِ اسْتَعْصَى عَلَيْهِ الْكَبِيرِ. Quand la science va venir de la part du jeune, le plus âgé va s'y opposer. Voyez-vous, ça veut dire parfois, le jeune, il connaît plus, il en connaît plus. Et il essaye d'apprendre, de convaincre les autres. Alors il y a quelqu'un qui a 25 ans, mais il y a beaucoup de ilm, mashallah. Il est en train de dire aux gens, voilà la vérité mes frères, le hadith du prophète, alayhi salam, etc. Il y a quelqu'un qui a 60 ans, 70 ans, il l'écoute, il l'entend. Qu'est-ce qu'il va dire? Non. De l'orgueil, il va dire, moi 60 ans, je vais te suivre, toi tu as 25 ans. Tu veux que je change à cause de toi? Non. Voyez-vous? Donc, le fait qu'une personne qui soit plus âgée habituellement, ça donne plus de crédibilité, voyez-vous, auprès des, de la masse en tant que telle et des personnes qui sont dans son âge. وَإِذَا جَاءَ الْفِقْهُ مِنْ قِبَلِ الْكَبِيرِ قَالَ تَابَعَهُ الصَّغِيرُ فَاهْتَدَيَا. Et quand la connaissance, le savoir, la science va venir de la part du plus âgé, le moins âgé va le suivre et les deux vont être guidés sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair? Je vois que vous êtes fatigué, juste un peu de patience. On va presque, presque s'arrêter, Inch'Allah. Moi aussi, je suis fatigué de parler, mais on veut avancer, Inch'Allah. Oui. Oui. Là, on va le mentionner maintenant, que ce n'est pas mal que ce soit des jeunes qui sont la référence. Voyez-vous, ce n'est pas quelque chose de mal, ce n'est pas mauvais. C'est juste que, comme on l'a mentionné, quand on a le choix entre deux choses, parce que parfois tu n'as pas de choix. Voyez-vous, si toi tu pries dans une mosquée dans ton village, comme ça on va dire dans ton village, pas dans un village, mais dans ton village, on a le village olympique, c'est juste ici. Si tu habites dans ton village, et dans ta petite mosquée du village, il n'y a personne qui connaît la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, tu es jeune, tu as 25 ans, mais tu as appris, tu es parti, tu as voyagé, etc., etc. Est-ce qu'on va te dire, parce que tu es jeune, non, ne va pas apprendre la religion aux autres? Non, tu as l'obligation de l'apprendre, c'est toi qui vas faire les serments, etc. Mais si on parle quand on a le choix, ça veut dire normalement, si toi tu es jeune et qu'il y a des personnes plus âgées qui ont autant de connaissances que toi, tu devrais t'abstenir de parler, de les laisser parler eux, c'est parce que même en termes de crédibilité, ils vont avoir plus d'influence que toi. C'est parce que toi, les gens vont dire quoi? T'es jeune, tu connais rien. Tu te prends pour qui? Etc. etc. Voyez-vous, donc, c'est ça la distinction entre les deux. Mais lors du temps du prophète, alayhi salatu wassalam, le prophète, alayhi salatu wassalam, il prenait comme leader, n'est-ce pas, et appointait comme leader certains de ses compagnons qui étaient jeunes. Comme Mu'ad ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu, il a envoyé comme juge sur les gens de Yémen, il était encore jeune. Et comme Attab ibn Usaid, comme dans certaines narrations, j'ai passé quelques temps à chercher la narration si elle est authentique. J'ai pas pu trouver de source parce que j'avais pas vraiment de temps pour approfondir ma recherche. Mais dans certaines narrations, ça indique que ce compagnon, ça veut dire Attab ibn Usaid radiyallahu ta'ala anhu, le prophète alayhi salatu wassalam lui a donné la responsabilité d'être le chef de la Mecque temporairement pour un certain temps. Il n'avait que 21 ans. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit que toi, tu vas être le responsable de la Mecque au complet. C'est toi le maire, en quelque sorte, de la Mecque. Et il n'avait que 21 ans. Bien sûr, le maire de la Mecque, c'est, on peut imaginer que c'est, il va faire des fatawas, il va faire plein d'autres choses. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il a dit... كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر. عمر رضي الله تعالى عنه quand il était un calife, il me prenait avec lui. Et moi j'étais encore jeune. Et il me prenait aux assemblées les plus privées, les plus hautes comme ça. C'est quoi les assemblées hautes selon vous? C'est les assemblées des chouyoukh de Badr. Ça veut dire les grands compagnons qui avaient participé à la bataille de Badr, ça veut dire certains des meilleurs compagnons. Omar radiallahu anhu, parfois il était en train de passer du temps avec eux pour les consulter sur des choses importantes, sensibles, etc. Ça veut dire c'est un cercle qui est très limité. Mais il prenait avec lui parfois Ibn Abbas. Il était un jeune radiallahu ta'ala anhuma. Alors, فقال بعضهم لما تدخل الفتى أو هذا الفتى معنا ولنا أبناء ولنا أبناء مثله. Ils ont commencé, certains d'entre eux, ils ont commencé à s'opposer. Ils ont dit à Omar et à Amir al-Mu'minin, ô toi le calife des croyants, tu ramènes ce jeune homme avec nous alors que nous avons des enfants à son âge. Et tu le ramènes pour passer du temps avec nous. Alors il a dit, radiyallahu ta'ala anhuma, innahu mimman qad alimtum. Vous savez très bien la connaissance que lui il possède. Et le hadith est long et par la suite il l'aura prouvé. Mais ici, comme j'ai dit, le but c'est de rappeler que Omar radiyallahu ta'ala anhu, il n'a pas dit Ibn Abbas, il est trop jeune pour être avec nous. Non, il a de la connaissance, je le prends avec moi. C'est parce que je veux entendre aussi son opinion. وقال الزهري الزهري رحمه الله تعالى محمد ابن شهاب الى دي محمد ابن شهاب الى دي كان مجلس عمر مغتصا من القراء les assemblées de Omar les assemblées personnelles de Omar ibn al-Khattab quand il était calife étaient pleins de qurra le qurra c'est les savants du Coran ceux qui connaissent le Coran par cœur encore une fois ils voulaient les consulter shababan wa kuhulan jeunes et plus vieux. Ramenez tout le monde, tous les qurra, même les plus jeunes, il les ramenait pour les consulter sur les questions sensibles de son état, radiyallahu ta'ala anhu. Il disait, écoutez bien ça, Omar radiyallahu anhu, de nos jours, si tu as 30 ans, 35, quand tu veux te joindre au conseil de la mosquée, n'est-ce pas, conseil de direction de la mosquée, on va te dire que tu es trop jeune. On va te dire que tu es trop jeune. Parce que regarde, tout le monde ici a 60 ans, etc. Omar radiyallahu anhu, qui était le calife, il ramenait les plus jeunes et il leur disait, لا يمنع أحدكم حداثة سنه أن يشير برأيه. Que le jeune âge de l'un d'entre vous ne l'empêche pas de dire son opinion quand je vous consulte. فإن العلم ليس على حداثة السن ولكن الله يضعه حيث يشاء. Car la connaissance n'est pas dépendante de l'âge de la personne. C'est quelque chose que Allah subhanahu wa taala il met avec la personne que lui il choisit subhanahu wa taala. نعم أخي. Oui, exactement. C'est ittiba'u al-hawa. C'est ittiba'u al-hawa. La personne qui est sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme il faisait Omar radiallahu ta'ala anhu, n'est-ce pas? Il consultait. Omar, c'est Omar. Vous savez, c'est qui Omar? C'est le deuxième des plus grands compagnons du prophète alayhi salatu wasalam. C'est celui que le prophète alayhi salatu wasalam lui a dit, quand toi tu prends un chemin, le shaitan il va prendre un autre. Shaitan, il a peur de Omar. Il ne peut même pas prendre le même chemin qu'Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala an, sans parler de venir lui faire l'ouest, etc. Il emprunte même pas le même chemin, il s'éloigne. Et malgré ça, il consultait les autres. Et il consultait même les plus jeunes. Et l'un d'entre nous, il suffit qu'il devienne responsable d'une mosquée ou quelque chose, il va faire les choses seulement selon sa tête. Moi, je pense faire comme ça, je vais faire comme ça. Celui qui aime, il aime. Celui qui n'aime pas, il n'aime pas. Taïb, numéro 9. On avance bien, alhamdoulilah, on avance bien. L'écriture, l'importance de l'écriture ainsi que de la rétention par cœur. Il est important d'écrire le ilm. Le prophète alayhi salatu wasalam, il a dit, ça c'est un hadith authentique du prophète alayhi salatu wasalam, il a dit qayyidu al-ilm bil kitab. Qayyidu al-ilm bil kitab, il a dit en quelque sorte emprisonner la science, retenez-la avec l'écriture, préserver la science avec l'écriture. Donc l'écriture c'est une pratique qui est très importante. Et je vois parfois des frères, surtout les frères. Les sœurs elles prennent plus de notes pour être honnête. Mais les frères, surtout dans les halakat, parfois il y en a, ils viennent comme des touristes. Ils viennent là, en train d'écouter. وَكَانَ الصَّحَابَةُ يَكْتُبُونَ الْقُرْآنَ. On le sait, on l'a vu dans le cours sur l'histoire du Coran Karim, que les sahabes radiallahu anhum, ils écrivaient le Coran. On va le voir, inshallah ta'ala, dans le séminaire sur l'histoire de la sunna, que les sahaba radiyallahu anhum, ils écrivaient même les hadiths du prophète alayhi salatu wasalam, même lors de la vie du prophète alayhi salatu wasalam. Et on va le voir, inshallah ta'ala, mais ça c'est un exemple. Regardez, si Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma, l'un des grands compagnons, il a dit kuntu aktubu kulla shay'in asma'uhu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam uridu hifdhah. L'un des compagnons, Abdullah ibn Amr, il disait, à chaque fois que le prophète alayhi salatu wasalam disait quelque chose, je l'écrivais pour la réviser par la suite et la, en quelque sorte, et l'apprendre par cœur et la mémoriser par cœur. Dhahak ibn Muzahim, il te donne un conseil. S'il vous plaît, ne faites pas ça ici parce qu'on va avoir des amendes. Il a dit, Dhahak ibn Muzahim, « إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في حائط » Il a dit, si tu apprends quelque chose de nouveau, tu devrais l'écrire sur place, ne serait-ce que sur un mur. Même si tu ne trouves pas où l'écrire, tu vas l'écrire sur un mur. Comme j'ai dit, ne faites pas ça ici, s'il vous plaît. On va vous donner des crayons, des feuilles si vous en avez besoin. Muawiyah ibn Qura, ou ibn Qurrata, un autre savant, il a dit, « Man lam yaktub al-ilma fala ta'udduhu aliman. » Celui qui n'écrit pas la science, ne le considérez pas comme étant un savant. Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, il disait كُلُّ مَنْ لَا يَكْتُبِ الْعِلْمَ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْغَلَطُ. Tout celui qui n'écrit pas la science, on ne lui fait pas confiance, parce qu'il va probablement faire beaucoup d'erreurs. Même Imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, lui-même, n'est-ce pas, qui connaissait, comme dans certaines narrations, si je me rappelle bien, plus de 300 000 hadiths par cœur. Et malgré ça, quand il faisait ses majalis al-tahdith, ses cours, fréquemment, il lisait de ses notes, voyez-vous, parce qu'il avait peur de se tromper dans un hadith du prophète, alayhi salatu wasalam, de faire une erreur comme ça que les gens ne vont pas comprendre par cœur. Taïb. Il y a une question? C'est bon? Taïb. Qu'est-ce que tu dois écrire, qu'est-ce que tu ne dois pas écrire? Écoutez cette belle analogie qu'il nous donne ici. An Sulayman ibn Musa, l'un des ulama, il a dit: Yajlisu ila al-alimi thalathatun. À chaque fois qu'il y a un savant et des personnes qui sont présentes pour apprendre de lui, il va y avoir trois types de personnes. Première chose: Rajulun ya'khudhu kulla ma yasma'u, fa dhalika hatibu laylin. Il y a quelqu'un qui écrit tout. C'est comme un écrivain. Le cheikh, il parle, lui, écrit, mot par mot. N'est-ce pas? Il va faire un verbatim de tout le dars de Al-Alim. Il a dit, l'exemple d'une telle personne, c'est comme Hatibu ilmin. Hatibu laylin. Hatibu layl, c'est quoi? C'est le bûcheron de la nuit. Un bûcheron, mais qui va travailler la nuit. Il va prendre n'importe quoi. Le bois et n'importe quoi qu'il va trouver, il va l'apprendre. Il revient chez lui, ah, c'est pas du bois. C'est du faux bois. C'est telle chose, voyez-vous, ça veut dire il va prendre les choses importantes et les choses moins importantes. Ça veut dire il est en train de te dire, n'écris pas tout, écris ce qui est intéressant, juge. Même si, n'est-ce pas, même si dans certaines narrations, c'est écrit que certains ulama, de leur amour pour l'ilm et de la vitesse que l'enseignant il avait à leur donner le hadith du prophète, alayhi salatu wasalam, ils écrivaient même quand le savant, il toussait. Il écrit tout. Et quand il revient chez lui, il va réviser. Il va enlever ce qui n'est pas important et il garde l'important. Non. Donc la première personne, celle qui écrit tout. Tu ne devrais pas être comme une telle personne. وَرَجُلٌ لَا يَكْتُبُ وَيَسْمَعُ. Quelqu'un qui n'écrit rien et il écoute. فَيُقَالُ لَهُ جَلِيسُ الْعِلْمِ أو جَلِيسُ الْعَالِمِ. Ça c'est comme le compagnon du savant en quelque sorte. Il est là pour encourager le savant. J'ai participé au cours, tu vois, il y a des personnes qui sont intéressées, etc. C'est toujours bien. Mais il n'écrit rien. وَرَجُلٌ يَنْتَقِي وَهُوَ خَيْرُهُمْ وَذَلِكَ الْعَالِمِ. Il y a quelqu'un, la troisième personne, troisième type de personne, c'est celui qui choisit, celui qui sélectionne. Ah, ça c'est important, je l'écris. Ça c'est moins important, pas besoin de l'écrire. Et c'est ça le vrai savant, celui qui sait qu'est-ce qu'il doit prendre en note et qu'est-ce qui n'est pas intéressant et qui n'est pas important. طيب. Mais avec ça, il y a des ulama, inchallah, un autre 15 minutes, on va terminer. 15 minutes, khalas, inchallah. Il y a certains ulama, n'est-ce pas, certains ulama qui n'aimaient pas l'écriture. Certains ulama qui disaient à leurs étudiants, de ne jamais écrire. Pourquoi selon vous? Oui, on se rapproche. Donc, le manque de concentration qui fait en sorte que tu vas toujours te baser et te fier à ton écriture. Alors qu'il y a une autre chose qui est très importante pour l'ilm, pour être un savant, c'est quoi? C'est la rétention. De connaître par cœur. Voyez-vous? C'est pour ça que les ulama, certains d'entre eux, ils étaient stricts. Ils ne voulaient pas que leurs étudiants écrivent. C'est parce qu'ils savaient que s'il va écrire, il ne va pas mémoriser. Il va dire « Ah, je l'ai, c'est écrit. Ah, je l'ai, c'est écrit. Ah, je l'ai, c'est écrit. » Et pire que ça, les personnes qui demandent toujours à leurs professeurs, même à l'université, de fournir les notes de cours à l'avance. Voyez-vous? Il veut imprimer, venir au cours, tout est imprimé comme ça. Bon, tant que tout ce qu'il est en train de dire, c'est écrit, moi, je dors. N'est-ce pas? Donc, il faut apprendre, minimiser le plus que possible sa dépendance sur l'écriture. Même si l'écriture est importante, mais elle doit être sélective pour qu'on puisse se concentrer sur notre mémoire. C'est parce que l'écriture, elle disparaît. Mais si tu vas te dire, non, non, non, je ne vais pas l'écrire, je vais bien me concentrer, je veux la comprendre, l'assimiler, là tu risques de la garder, inshallah ta'ala, et de la préserver. Non. Une autre chose qui est importante ici, l'importance de réviser. de réviser en partageant, même si c'est en partageant ses connaissances. Ce qu'on appelle at-tadhakur. Tadhakur, c'est quoi? C'est une chose que l'ulama, il faisait beaucoup. C'est la révision en groupe. Ça veut dire chacun d'entre eux, des ulama du passé en général, il avait un ou deux collègues, des étudiants comme lui. Et il se disait, toi et moi, on est des collègues. Ça veut dire on va aller au même cours. Et quand on sort du cours, on va se rencontrer, on va réviser ensemble. Tu me poses des questions, je te pose des questions. Tu me donnes une partie du cours, je te donne l'autre partie, etc. Voyez-vous, ce qu'on appelle être d'accord, c'est parce que ça motive la personne à réviser. C'est pour ça que regardez qu'est-ce qu'ils ont dit. قَالَ لِي عَلِيٌ تَزَاوَرُوا وَتَذَاكَرُوا هَذَا الْحَدِيثَ فَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا يَدْرُسْ عِلْمُكُمْ. Ali radiallahu ta'ala anhu, il a en quelque sorte dit à l'un de ses étudiants, vous devriez vous rencontrer fréquemment et réviser ce hadith, ça veut dire les hadiths du prophète alayhi salatu wasalam, car si vous n'allez pas réviser, un jour ou l'autre, vous allez oublier, vous allez perdre la connaissance et la science que vous aviez acquis auparavant. Et regardez ce que ce savant il faisait. An Ismail ibn Raja'in annahu kana ya'ti sibyan al-kuttab fiya'ridu 'alayhim hadithahu kay la yansa. L'un des ulama qui s'appelle Ismail ibn Raja, il ne trouvait pas avec qui faire des révisions. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait chez les petits-enfants qui étaient dans le kuttab. Ça veut dire qui était l'école, en quelque sorte, n'est-ce pas? C'est l'école maternelle dans leur temps. Ils faisaient ça dans le masjid, etc. Il allait s'asseoir avec eux et commence à leur dire. Les enfants écoutaient. حَدَّثَنَا فُلَانَ عَلْ فُلَانَ عَلْ فُلَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Il sait qu'ils ne comprennent rien, ils ne sont en train de rien comprendre. C'est des enfants, n'est-ce pas? Mais tout ce qu'il est en train de chercher en réalité, c'est de réviser, d'enseigner à quelqu'un, même quelqu'un qui ne comprend rien, mais le fait de lui enseigner, ça va t'aider à te rappeler, voyez-vous? Donc, si vous voulez passer par une garderie comme ça, dire « je peux vous garder les enfants pour quelques minutes », tu vas commencer à leur lire des versets dans le Coran, des hadiths, etc. Ça va t'aider à bien réviser. Non, mais en général, pour être sérieux, en général, l'une des meilleures choses qui t'apprennent, c'est pour ça que je dis toujours aux frères, l'importance d'enseigner. Voyez-vous, dans ce genre de séminaire, on essaie de faire un effort de plus, qui est le fait de vous donner les notes de cours et de vous donner les références. Pour ceux et celles qui comprennent l'arabe, pour ceux et celles qui ne comprennent pas l'arabe, vous allez l'apprendre bientôt, inshallah ta'ala, et vous allez trouver ça. Donc, sauvegardez ça chez vous, à la maison. Et gardez toujours ça, c'est très important. Parce que ça, c'est tout un effort qu'on vous donne facilement comme ça. Ça vous épargne des mois et des mois de travail, voyez-vous. Vous avez tous ces textes, les références, les versets, les hadiths, c'est qui a authentifié, etc. Tout ça pourquoi? Pour qu'à la suite, par la suite, toi-même, dans quelques temps, inshallah ta'ala, tu peux prendre le même cours, le même séminaire, tu vas réviser tes notes et tu vas aller dans ta petite mosquée, dans ton quartier, tu vas dire aux gens, on va faire une petite halaqa sur ce sujet. Et voilà, tel hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, et telle chose, et tel savant a dit. Et s'il te dit, ce hadith, c'est qui l'a rapporté? Comment tu sais que c'est un hadith qui est authentique? Ah, je l'ai ici dans mes notes. Rapporté par tel et tel, authentifié par tel et tel et tel, voyez-vous? Et l'une des meilleures choses qui te pousse à apprendre la religion, c'est ça. C'est de l'enseigner aux autres. Croyez-moi, ça c'est pas, c'est les ulama qui le disent, et deuxièmement après ça, c'est par expérience. L'une des meilleures choses qui t'aide à bien apprendre la religion, c'est de l'enseigner aux autres. C'est parce que quand tu vas commencer à l'enseigner, c'est là où tu vas voir les lacunes, les vides. Les gens vont te poser des questions, mais tu viens de dire telle chose. Mais n'est-ce pas que, ah, là toi tu vas bloquer. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris ici. Ça, je dois aller questionner. Ça va me faire réfléchir. Et parfois, et subhanallah, aller demander à toute personne qui fait la da'wah, parfois, je vous le dis ça de mon expérience et d'expérience de frères que je connais aussi. Parfois, tu vas être dans la khutbah, dans un cours, etc. Tu n'as pas eu vraiment le temps de te préparer. Tu as pris quelque chose, tu recycles. N'est-ce pas un cours que tu as fait hier, avant-hier? Tu vas dire, je me rappelle par cœur comme ça, je vais le refaire maintenant. En récitant le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'ouvrir comme ça une leçon que même chez toi, si c'était comme ça, si tu étais devant le livre, devant le mushaf, à lire une et deux et trois fois, tu ne vas pas l'avoir. En parlant, tu es en train de partager avec les autres, tu veux les convaincre, tu lis le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ouvre quelque chose. Quelque chose que tu ne vas même pas trouver peut-être dans les livres. Ça t'arrive comme ça. Voyez-vous, donc, le fait de partager, c'est l'une des meilleures choses qui t'aide à te rappeler, à mémoriser al-ilm et à faire en sorte que tu vas avoir de l'aisance, n'est-ce pas? Ça va te donner en quelque sorte de la confiance. Tu es prêt. Si quelqu'un il te dit, ah, je veux que tu me convainques de l'islam, j'ai un problème avec telle partie de l'islam, etc., je veux débattre avec toi, tu es prêt. Les choses vont sortir de façon automatique. Tu ne vas pas dire, ah, attends, je vais ramener le livre et l'autre livre et l'autre livre. Ils m'ont dit que dans telle page, je vais trouver la réponse. Là, c'est déjà prêt, en quelque sorte, tu es déjà prêt à faire face à une telle situation. قال إبراهيم إذا سمعت حديثا فحدث به حين تسمعه ولو أن تحدث به من لا يشتهيه فإنه يكون كالكتاب في صدرك. Il a dit, si tu entends un nouveau hadith du prophète عليه الصلاة والسلام, répète-le à une autre personne, même une personne qui n'est pas intéressée à l'écouter, parce que si tu le fais sur place, ça va devenir comme un livre à l'intérieur de ton cœur. Voyez-vous, vous sortez d'ici, vous prenez les hadiths. Demain, vous allez prendre votre frère, votre sœur, votre mère, votre père. Vous allez dire, j'ai trois hadiths à partager avec toi. Deux minutes. Tu viens de payer la zakat de ta connaissance en quelque sorte et tu viens de faire une petite révision de ce que tu viens d'apprendre. Et le dernier point, Inch'Allah, avant d'arrêter, parce qu'on n'a malheureusement pas le temps de finir avec le reste. At-tadarruju. Et ça, c'est très important, c'est d'avancer de façon qui est graduelle et de façon qui est méthodique. Pourquoi? Parce que la science ne se termine jamais. La science, c'est trop grand. C'est un océan, comme on l'a dit, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. Et c'est pour ça que Yunus ibn Yazid, il dit, قال لي ابن شهاب أي الزهري, Imam al-Zuhri, il a dit à Yunus ibn Yazid, l'un de ses étudiants, il veut lui donner un conseil. لا تكابر العلم. Ne lance pas un défi à la connaissance, à la science. N'essaie pas de défier la science en disant, moi, je vais l'apprendre, cette science. Je vais l'acquérir au complet, je vais l'avoir comme ça dans mon cœur. Là, فَإِنَّ الْعِلْمَ أَوْدِيَةٌ. Car la science, c'est comme des rivières. فَأَيُّهَا أَخَذْتَ فِيهِ قَطَعَ بِكَ قَبْلَ أَن تَبْلُغَهُ. Si j'ai bien compris ici, bien sûr, il est en train de donner une analogie. Ce n'est pas très clair selon ces mots, mais si j'ai bien compris, wallahu a'lam, ce qu'il est en train de dire, et c'est en termes d'analogie, c'est que si tu vas entreprendre une rivière, tu vas entrer à l'intérieur d'une rivière, elle va te contrôler, elle va te prendre. T'es parti pour deux bancs, tu ne peux plus revenir en arrière. Voyez-vous, ça veut dire, al-ilm, c'est plus grand, c'est plus fort que toi. Tu ne te mets pas une idée dans ta tête comme ça que moi, je vais étudier tous les ilms comme ça, en deux ans, je vais tout apprendre. Impossible. Même si c'est pour le restant de ta vie, tu ne vas pas tout apprendre. Alors il dit quoi ? وَلَكِنْ خُذْهُ مَعَ الْأَيَّامِ وَالْلَيَالِي. Prends la science doucement, doucement. Jour par jour, nuit par nuit. Tant et aussi longtemps que tu es en train en quelque sorte d'avancer, d'apprendre de façon qui est constante, c'est suffisant pour toi. Ne te mets pas dans ta tête en quelque sorte que moi je dois tout apprendre le plus tôt possible pour être comme lui ou bien comme elle, parce que ce n'est pas la bonne méthode à apprendre. Il a dit par la suite, وَلَا تَأْخُذِ الْعِلْمَ جُمْلَةً. Ne prends pas la connaissance en une seule masse comme ça. فَإِنَّ مَنْ رَامَ أَخْذَهُ جُمْلَةً ذَهَبَ عَنْهُ جُمْلَةً. Car celui qui prend toute la connaissance en bloc, elle va partir en bloc. N'est-ce pas, aujourd'hui tu vas la prendre, demain elle va partir. Doucement, doucement, chaque jour, chaque nuit. Même si tu apprends un nouveau hadith par jour, c'est déjà excellent. Voyez-vous, surtout pour ceux et celles qui veulent apprendre Qur'an Karim, mashallah. Qur'an Karim, c'est vrai que c'est motivant. On veut tous, alhamdoulilah, bien apprendre Qur'an Karim, etc. Mais parfois tu vas te dire, je vais apprendre le Qur'an en un an. Ça me fait combien? Tel nombre de pages, 6 ou 7 pages, mettons par jour. Ok, je vais commencer. Et tu vas t'efforcer. Après ça, tu vas voir que tu es en train de t'efforcer pour rien. Et après ça, tu vas laisser tomber. Ah, c'est trop difficile d'apprendre le Coran, je laisse tomber. Et peut-être que tu vas suivre cette méthode pendant 10 ans. Tu essaies d'apprendre le Coran en un an. Et après ça, ça n'a pas fonctionné. L'année prochaine, Inch'Allah, cette année, je vais l'apprendre en un an. Ça ne fonctionne pas, tu n'avances pas. L'année d'après, la même chose. Alors que tu as un autre frère, ça fait 10 ans, lui il a commencé, il a dit je vais apprendre 3 versets par jour, 2 versets par jour. Et il a presque fini le Coran s'il ne l'a pas encore fini. Ça veut dire doucement, doucement, doucement. En passant, ils font des séminaires à la Médine. Il y a des cours intensifs comme ça dans le masjid du prophète, alayhi salatu wasalam, pour apprendre le Coran au complet en 3 mois. Le Coran au complet en 3 mois. Tu passes ton été là-bas. 3 mois, et tu es nourri, pris en charge, etc. Mais c'est ça. Tu manges, tu vas à la mosquée. Tu apprends, tu apprends, tu apprends. Tu pries, tu manges, tu vas à la mosquée. Tu apprends, tu apprends. C'est dur et c'est difficile. Mais il y a plusieurs savants qui déconseillent de le faire. C'est parce qu'ils disent que celui habituellement qui l'apprend avec tant de rapidité va l'oublier par la suite avec, en quelque sorte, de façon qui est comparable. Non. Et quand on parle aussi de cette question du graduel, on parle aussi de la méthodologie. Ça veut dire, on commence par les petites choses et on avance vers les grandes choses. Comme je répète toujours les mêmes exemples, c'est parce que c'est toujours les mêmes exemples qui se répètent. Mon frère, je veux que tu m'expliques c'est quoi ça, la secte de tel et de tel et de tel et de tel. Est-ce que c'est vrai qu'ils disent telle et telle et telle chose? Est-ce qu'eux, ils sont égarés ou non? Et il paraît que dans leur livre, telle et telle et telle et telle chose. C'est quelqu'un, il veut passer directement, n'est-ce pas? Quelqu'un, il vient d'arriver au primaire, un jeune comme ça, un jeune enfant, il est arrivé au primaire, il a pris la première année, la deuxième année, il commençait un peu à peine à calculer, à faire les calculs. Il dit, moi, je veux être comme mon père. Mon père, c'est un ingénieur. Et je veux être maintenant comme mon père. Je vais passer à l'université. Expliquez-moi, c'est quoi un ingénieur? Je veux savoir comment commencer à faire, mettons, des programmes d'informatique comme mon père, etc., etc. C'est quelqu'un qui veut brûler les étapes et tu ne vas jamais arriver. C'est la même chose. Si tu veux apprendre la science, patiente. Surtout si tu ne comprends pas beaucoup maintenant la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, doucement, doucement, tu vas voir que si tu avances doucement, doucement, de la bonne façon, ça veut dire du plus petit au plus grand, du plus simple au plus complexe, tu vas voir que tu vas avancer après quelques années, inshallah ta'ala, tu vas avoir une connaissance qui est ferme. Tu es bien enraciné. Mais celui qui cherche, dès le premier jour, je veux apprendre plus sur telle secte. C'est quoi le livre qui me parle de telle secte? Il va acheter 5 livres sur la secte. Commence à lire, il ne comprend rien. Cherchons un autre sujet. L'autre secte. Il ne comprend rien. Cherche un autre sujet. Ah, tout le monde de nos jours, il parle de cette chose-là, sur le fiqh, ça a l'air d'être intéressant. J'achète 5 livres, commence à lire, il ne comprend rien. Voyez-vous, il va être perdu. Il va être perdu. C'est ça ce que les ulama, ils appellent uslubul farasha, la méthode du papillon. Il sort d'ici, ici, ici, ici, ici. Il ne va pas avoir la connaissance. Tout ce qu'il va avoir, c'est j'ai lu 5 pages de ce livre et 5 pages de l'autre livre, etc. etc. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim, ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux savants et leur dit d'être rabbaniyin. Rabbaniyin, ça veut dire, ça vient de tarbiya, ça veut dire des gens qui savent éduquer les autres. C'est quoi rabbaniyin? Ici les ulama de tafsir comme l'imam Bukhari il a dit ar-rabbaniyu alladhi yuallimu an-nas bi-sighar al-ilm qabla kibarihi. C'est celui qui apprend aux gens les petites formes de science avant de passer aux grandes formes. Voyez-vous? Si tu veux lire un livre, encore une fois, un livre de hadith, tu vas prendre la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam, quelqu'un va dire, il vient de commencer à découvrir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va te dire, je veux lire Sahih al-Bukhari au complet. Je m'excuse, je ne veux pas te démotiver, mais si on regarde ça sous un certain angle, tu es en train de perdre ton temps. Bien sûr, c'est bien de lire les hadiths du prophète, alayhi salatu wasalam, mais si tu vas avoir la science, tu es en train de perdre ton temps parce que tu as brûlé les étapes. Commence par les 40 nawawi, après ça par Riyadu, As-Salihin. Doucement, doucement, après ça, tu vas avoir plus de motivation et de compréhension pour passer à quelque chose comme Sahih ou Al-Bukhari. Et je vais terminer, Inch'Allah, avec cette narration, Inch'Allah, parce que on ne peut plus continuer, bien sûr, sauf si on reste jusqu'à 11h du soir, si vous êtes intéressé. قال سمعت ابن المبارك يقول Imam ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala, il a dit أول العلم النية. La première étape dans la science, c'est l'intention. النية. ثم الاستماع. Après ça, c'est l'écoute, l'apprentissage, l'absorption. ثم الفهم. Après ça, c'est la compréhension. ثم الحفظ. Après ça, c'est la mémorisation. ثُمَّ الْعَمَلُ. Après ça, c'est l'action, la pratique. ثُمَّ النَّشْرُ. Après ça, c'est la propagation. N'est-ce pas le fait d'envoyer aux autres? Je répète une deuxième fois. Les étapes de la science. Tout commence avec l'intention. L'intention. Après l'intention, quand ton intention est sincère, tu vas passer à l'écoute. Tu veux écouter. Qu'est-ce qu'ils ont à dire, ces savants? Ils disent quoi? Ils nous parlent de quoi? Après ça, tu passes à la troisième, qui est al-fahmu, la compréhension. Tu commences à comprendre ce que tu as entendu parler. Si tu ne comprends pas, tu demandes la question au cheikh, au savant. « Ya cheikh, tu as mentionné telle et telle chose, je n'ai pas compris. » Quatrième étape, al-hifdhu, la mémorisation, la rétention. « Ah, je viens de comprendre, maintenant je veux mémoriser. Comme ça, je vais avoir ça avec moi pour le restant de ma vie, inshallah, je peux l'utiliser. » Cinquièmement, al-amalu, la pratique. Je vais mettre en pratique ce que j'ai compris et retenu. Et finalement, al-nashru, ça veut dire « je passe le message aux autres, je vais partager. » C'est clair ? Taïb, inshallah, malheureusement, on devra s'arrêter à ce niveau, inshallah, ta'ala. Et il nous reste une partie comme ça, qui est environ égale à une heure de cours, qu'on va laisser pour la prochaine fois, inshallah, ta'ala. On va trouver comme ça une petite heure à laquelle on pourra la rattraper. Jazakumullahu khairan, subhanakallahu wa bihamdik, ashadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.